une histoire particulière. La star de notre histoire du week-end, mais c'est le lieutenant Colombo. Son imperméable est limé, son cigare, sa Peugeot 403 et sa phrase signature « Juste une dernière chose ». Il est l'anti-héros de la série policière américaine. La série fait des émules, puisque nous avons découvert hier, dans le premier épisode, que certains s'en seraient inspirés pour commettre un meurtre, un vrai. La réalité a dépassé la fiction. Tout de suite, en seconde écoute, et pour terminer l'année, Sacha Corso et Laurent Polleret pour une dernière question à l'inspecteur. Je me présente, je m'appelle Colombo, je suis venu en mission pour une semaine. Mission de quoi ? Non, rien de ce qui vous concerne, je suis policier. Un policier ? Oui. Colombo, les 50 ans d'un anti-héros de génie. Un documentaire de Sacha Corso, réalisé par Laurent Polleret. Deuxième épisode, échec et mat. Quand vous discutez avec les scénaristes des séries télé ou des films, la plupart d'entre eux s'inspirent d'abord de faits divers. Et la lecture de la page faits divers est le cœur de la vie. Vous supprimez le fait divers, le meurtre, l'assassinat, l'homicide, le complot, du théâtre, du cinéma, du roman, ben, il ne vous reste pas grand-chose. Hein. La discussion au café le matin va être assez réduite, car tout ça est l'élément moteur de la vie. La mort, c'est le moteur de la vie. Et donc, beaucoup des éléments colombiens, de l'aveu même des scénaristes, sont issus de la page fait divers des journaux américains, plus ou moins revisité, plus ou moins réimaginé, réinterprété, mais quasiment toutes les aventures, tous les mystères résolus par Colombo ont une part sortie de la réalité, comme d'ailleurs la plupart des séries policières ou criminelles. On n'invente jamais rien en matière criminelle, on recycle tout. Oui, un moment, s'il vous plaît. Il faut se rappeler, hein, en Angleterre, les faits divers, c'est des millions d'exemplaires imprimés dont l'essentiel ne porte que là-dessus. Les informations générales, politiques ou sociales, c'est une page en une et une page à la fin. Le sport, évidemment, au fur et à mesure de son développement. Mais l'essentiel, c'est assassinat, meurtre, vol, adultère, espionnage, disparition, horreurs diverses. Et c'est ça qui fait aussi la sous-culture, mais qui est une vraie culture, de la construction de la fiction. La réalité dépasse toujours la fiction. Et très souvent, d'ailleurs, quand on lit des documents à caractère criminel, on se dit on n'aurait jamais osé en faire une fiction parce que l'éditeur ne nous aurait jamais cru. Donc, tous ces éléments nous dépassent, on se rattrape, on se raccroche à eux, et on en fait ensuite une fiction acceptable parce que la réalité a rendu la fiction acceptable tellement elle était incroyable, mais pas impossible. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des méchants dans Colombo qui sont inspirés de personnages bien réels ? Oui, vous avez deux types de méchants, ceux qui sont inspirés de personnages réels et ceux qui jouent carrément leur propre rôle. Alors, dans les personnes qui ont inspiré des méchants chez Colombo, vous avez Hugh Hefner, par exemple, le patron de Playboy, qui est personnifié par quelqu'un d'un peu plus jeune que lui. Mais Hugh Hefner s'était marié un an avant l'épisode. Et dans l'épisode de Colombo, il débute par l'annonce du mariage de quelqu'un qui dirige un magazine de charme et qui met en avant son château, donc qui est une copie conforme du Playboy Mansion, hein, le manoir de Playboy. Même la situation géographique est la même puisque c'est juste à la marge de Beverly Hills. Et on voit tout l'épisode, on a Colombo qui déambule au milieu de Playmates, c'est assez savoureux. Agatha Christie ? Alors, Agatha Christie, avec la délicieuse Ruth Gordon, qui s'appelle Abigail Mitchell dans le film. Alors, elle a un point commun qui est physique. Elle a un collier de perles qui ressemble trait pour trait à celui qu'on voit sur les photos d'Agatha Christie. Et puis, c'est simplement une auteure de romans policiers. Agatha Christie est morte un an avant le tournage de l'épisode, donc ça a fait du bruit, bien sûr. Un point commun avec Agatha Christie qui est intéressant dans l'intrigue, ça va être le fait qu'Agatha Christie avait donné les droits de sa pièce, La Souricière, à son petit-fils. Et dans l'épisode de Colombo, l'auteur a donné les droits de sa pièce à sa nièce. Et cela va engendrer des catastrophes puisque l'époux de sa nièce l'a sans doute tué. Et Agatha Christie elle-même, alias Abigail Mitchell, va assassiner le meurtrier de sa nièce. Vous m'avez aussi parlé d'un cas concret où un fait divers, une affaire criminelle, a inspiré Colombo. Je crois que c'est dans l'épisode « Votez pour moi », c'est ça ? Dans l'épisode « Votez pour moi » avec l'exceptionnel Patrick McGowan, le héros de la série « Le prisonnier », qui a d'ailleurs été le méchant dans 4 Colombo, c'est lui qui a le record. Dans cet épisode, Patrick McGowan va simplement manger un morceau de fromage sur les lieux du crime, du Parmigiano Reggiano, si je me souviens bien. Et donc les traces de ses dents restent plantées dans ce fromage. Colombo lui-même d'ailleurs, quand il va arriver sur le lieu du crime, va aussi goûter au fromage, parce que c'est un fromage très cher et délicieux, dit-il à son adjoint. Et il se trouve qu'un an avant, dans le Los Angeles Times, il y avait eu un article, parce que c'était assez nouveau à la fin des années 80, sur la police scientifique qui avait justement déjoué un coupable. Alors c'était à propos d'un cambriolage cette fois, qui avait eu lieu dans un comté proche de Los Angeles. Et la victime de ce cambriolage avait repéré qu'un fromage avait été mangé et il y avait des traces étranges sur ce fromage. Donc le shérif du comté avait immédiatement demandé qu'on congèle le fromage. Et en fait, il y a eu des analyses un mois après. Et le coupable donc correspondait parfaitement avec les traces qui étaient sur ce fromage-là. Et d'ailleurs, quand on a dit ça au coupable, il a changé totalement sa façon de plaider coupable et, au lieu de plaider innocent, ce qu'il avait fait au départ. Donc cet épisode criminel a clairement inspiré Colombo. Donc, ma reine prend votre cavalier. Vous deviez sûrement vous y attendre. Et ensuite, votre pion doit prendre ma reine. Sinon, ma reine prendrait votre fou, ce qui ferait deux pièces. Et échec. En conséquence, vous devez interposer votre fou en E8. Donc, mon fou prend votre pion et menace votre reine. Par conséquent, votre reine doit prendre mon fou. Et à ce moment-là, ma tour prend votre fou en E8 et vous êtes mat. Ce n'est qu'un coup de chance, un point c'est tout. Ça ira mieux demain, vous serez plus concentré. Vous êtes épuisé. Essayez de dormir, mon ami. Je pense notamment à cet épisode Match dangereux et à l'univers des échecs. En quoi ça s'est inspiré de la réalité, cet épisode ? Oui, vous avez eu un match assez célèbre en 1972 entre Bobby Fischer et Boris Spassky. Donc vous aviez l'Américain qui se battait contre un Russe, contre un Soviétique, en pleine période de la guerre froide, et sur leur propre terrain. Donc Fischer a gagné, et ça a été extrêmement populaire aux États-Unis. C'était une espèce de héros américain. Donc, Henry Kissinger est intervenu, par exemple, le secrétaire d'État américain pour ce match. Donc, c'était juste un an avant l'autre épisode qui est arrivé donc de Colombo. Il est clair que les scénaristes s'en sont inspirés. Donc, vous avez des traits de personnalité du héros qui est assez proche de Bobby Fischer, notamment sa superbe et un petit peu sa prétention, qui est un trait commun d'ailleurs, hein, le côté méprisant. Le héros, c'est le meurtrier. Oui, je suis en train de me dévoiler moi-même. Oui, le héros et le meurtrier. Donc, le méchant, le coupable, ressemble trait pour trait quand même à Bobby Fischer. Donc, Bobby Fischer passait beaucoup sur les plateaux américains de télévision. C'était vraiment, encore une fois, un héros américain. Dans les traits qu'on va retrouver, en fait, c'est une espèce de chimère, puisqu'il a aussi emprunté des traits à un autre champion du monde qui s'appelait Tigran Petrosyan. Et Tigran Petrosyan était sourd. Donc, il avait besoin d'une aide auditive. Et dans l'épisode de Colombo, le match dangereux, le méchant, le héros, a aussi une aide auditive qu'il va utiliser. D'ailleurs, Tigran Petrosyan avait fait un tournoi au Texas, à San Antonio, dans lequel il avait utilisé son appareil auditif comme une aide, puisqu'il avait simplement coupé pendant certaines parties. Et il y avait une partie célèbre contre Gligorich, dans laquelle il avait coupé donc son appareil, et Gligorich ne pouvait pas lui parler, notamment lui proposer match nul pendant la partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tous ces faits réels qui inspirent cet épisode qui a lieu un an après le championnat du monde, c'est aussi dû à la passion de Peter Falk pour les échecs. Oui, Peter Falk adorait les échecs. Donc sur le championnat du monde lui-même, il avait acheté les droits d'un livre qui parlait donc de ce championnat du monde. Il voulait le produire avec comme réalisateur Milos Forman. Donc c'était déjà un projet assez avancé. Et l'idée était que les joueurs jouent leur propre rôle. C'était une espèce de docu-fiction. Alors hélas, ça n'a pas pu avoir lieu, mais l'idée donc c'était d'avoir ce film. Donc Peter Falk avait lui-même acheté les droits. Il était allé pour préparer l'épisode, donc le match dangereux. Il était allé sur des tournois à Santa Monica et il avait un petit peu harcelé les joueurs, ce qu'il va le faire après dans le scénario. Donc il va harceler le champion du monde qui va commettre une bourde énorme et perdre une partie en deux coups, ce qui est un peu excessif sans doute. Mais Peter Falk l'avait testé lui-même à Santa Monica auprès de réels joueurs, de maîtres internationaux. Donc il était allé leur poser des questions pendant les parties, leur parler, enfin, ce que va faire Colombo dans l'épisode. Et il s'était rendu compte, effectivement, que les joueurs faisaient des gaffes et commettaient des bourdes à cause de cela. Je voudrais revenir maintenant un petit peu, on a parlé donc de Peter Falk, Colombo et l'univers des échecs. Maintenant, je voudrais qu'on essaie aussi un peu de parler de Colombo, le personnage, en tant que joueur d'échecs. Quels sont les parallèles qu'on peut établir, justement, dans sa manière de mener ses enquêtes, dans sa manière d'être? Quels parallèles on peut faire avec un joueur d'échecs, avec l'univers des échecs? Alors, dans la méthode utilisée par Colombo, en fait, quand vous jouez une partie d'échecs, vous avez une espèce de dialogue. Chacun avance ses arguments l'un après l'autre. Et dans un épisode de Colombo, c'est exactement la même chose. Vous avez Colombo qui va poser des questions. Le coupable qui va, on peut dire le coupable puisqu'on sait dès le début, le coupable va répondre de manière appropriée ou pas, toujours avec des questions naïves, ironiques, de la part de Colombo. Donc vous avez chacun qui avance ses pions, les uns contre l'autre. Donc le coupable va avancer des arguments, Colombo va les contrer. Ça ressemble vraiment à ce qui se passe dans une partie d'échecs. C'est un dialogue, mais c'est aussi comme une partie d'échecs où vous avancez vos avantages, vous posez des questions, vous avez des réponses, vous avez des attaques, des défenses. C'est en permanence un jeu de chat et de souris qu'on retrouve aussi bien sur l'échiquier que dans les épisodes de Colombo. C'est un joueur d'échecs, car dans une partie d'échecs, vous avez une énigme pour ceux qui ne savent pas jouer. Mais ceux qui savent jouer et qui connaissent le déplacement des pièces, ce n'est plus une énigme, puisqu'on est dans quelque chose qui est à information ouverte, ce qu'on appelle de l'information ouverte. Le poker, c'est de l'information fermée. Là, on a une information ouverte en permanence. Donc, Colombo, lui, il dit grosso modo, voilà, j'ai tous ces éléments. Maintenant, j'ai un suspect en face de moi. En tout cas, je le considère comme suspect. Comment je vais faire pour arriver à ce que l'information soit complètement ouverte? Parce que au départ, la différence entre Colombo et une partie d'échecs, c'est que lui, il a une idée de ce qui va pouvoir arriver, mais il a besoin réellement de la clé, de ce qu'on appelle aux échecs du moment critique, où il va pouvoir déceler, faire tomber l'indice qui va lui permettre de remettre tout le puzzle ensemble et d'avoir à ce moment-là une information complètement ouverte qui va lui permettre de dire, eh bien, la partie est gagnée, j'ai toutes les informations A, B, C, D, E, et donc, c'est vous, monsieur, qui avez commis ce crime. Allô ? Madame Williams ? Oui ? Ici le lieutenant Colombo. Je me demandais, madame, si je pouvais passer vous voir. J'ai quelque chose à vous montrer qui devrait beaucoup vous plaire. C'est pour vous. Surprenant, hein ? Je me suis souvenu de votre passion des gadgets et j'ai pensé que vous aimiez vous en servir en faisant, vous savez, des petites choses comme on fait dans les soirées pour amuser ses amis. De ce style-là, quoi. Je peux savoir comment vous avez fait? Oh, mais c'est pas sorcier. J'ai pris un téléphone exactement comme le vôtre, un programmateur, un magnétophone, j'ai fait le branchement et c'était joué. Je suis très occupée, lieutenant. Alors vous voulez bien me dire ce que cela a à voir avec le meurtre de mon mari? Oh, pas ça. Là, vous me connaissez par cœur, vous. Là, vous m'avez rabattu mon caquet. Bah, c'est très simple, dame. Ça nous démontre que votre mari pouvait déjà être mort au moment du coup de téléphone et que sa voix pouvait provenir d'une bande magnétique qui se trouvait dans votre bureau. Vous savez, Colombo, vous êtes presque séduisant dans votre imperméable miteux. Peut-être est-ce la façon que vous avez d'entrer ici, le dos voûté, avec votre vieux cabas rempli de ruses? Moi? Des ruses? Votre humilité, votre apparente désinvolture, les anecdotes personnelles au sujet d'un cousin ou de votre femme, j'adore. Vraiment? Oh oui. Le lieutenant met en avant ses faux pas et sa maladresse. Mais c'est toujours à la gorge qu'il cherche à mordre. Et j'imagine qu'il doit presque toujours réussir son coup. J'apprécie le compliment, madame Williams, et je l'apprécie d'autant plus qu'il vient de vous. On peut dire aussi que dans sa méthode, comme il avance masqué, c'est aussi une des techniques des échecs, enfin, et il avance aussi pas à pas. Donc, il est extrêmement stratégique. Donc, il utilise effectivement cette stratégie pour finalement arriver à obtenir ce qu'il souhaitait obtenir. on use l'adversaire en le titillant constamment. Oui. User l'adversaire, c'est le mot. Oui, on va user l'adversaire. Donc, ça va être un style qui va peut-être ressembler à un joueur d'échecs comme Karpov, qui est un joueur très solide, qui fait beaucoup de coups prophylactiques, c'est-à-dire qui va se défendre et anticiper les menaces possibles de son adversaire, plutôt qu'un Kasparov qui va être extrêmement agressif. Kasparov va ressembler plutôt au policier traditionnel avec les armes à feu, tirer des coups, voilà. Karpov va être quelqu'un de plus subtil, donc plus, il va anticiper davantage les possibilités de réponse de l'adversaire. Donc, comme Colombo va le faire dans ces épisodes, bien sûr. C'est pas un bulldozer, Colombo. Et dans ce sens, sa manière de procéder, c'est vrai, est proche de celle de Karpov. Parce que quand les proies de Karpov, qui étaient ses adversaires, commençaient à comprendre ce qui se passait, c'était trop tard. Ils ne pouvaient plus s'échapper, c'était fini. Et là, c'est pareil avec Colombo. On le voit bien dans certaines... aussi les séries, et puis petit à petit, l'étau se resserre autour, il a mis sa toile, et puis il lui manque l'avant-dernier indice pour résoudre, et là, à ce moment-là, c'est vrai que ça se referme, et puis c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que intellectuellement, avec la finesse, on arrive à trouver quelque chose, et c'est vrai que de ce côté, je pourrais comparer le processus de Colombo avec un processus karpovien qui est d'amener petit à petit, de jamais montrer ce qu'on fait, parce que c'est trop profond, beaucoup trop global, c'est une vue globale des choses, et ça c'est ce que Colombo a aussi d'une situation, c'est-à-dire il a l'ensemble, la globalité, et il lui manque quelque chose, et pour Karpov c'est pareil, il a une vue globale tout le temps de l'échiquier, mais il avance, et malheureusement les autres n'ont pas cette compréhension globale, et quand ils comprennent, c'est déjà fini. Voilà, c'est tout moi, ça. Hein, je suis un gars bizarre, vous savez. Vraiment? Oui, je m'inquiète toujours. C'est vrai, tout me travaille. Je suis un inquiet. Et même des choses insignifiantes, des détails, j'en arrive à perdre l'appétit. C'est... D'ailleurs, ma femme me dit souvent, pourquoi tu cherches toujours la petite bête? C'est une image. Oui, j'avais bien compris, lieutenant. Maintenant, si vous vouliez aller droit au but... Ah, oui, bien sûr, tout de suite. Voyez-vous, il y a certaines choses troublantes dans le kidnapping de votre mari, certains détails qui... Il marche, ce briquet? Oui. Ah, moi, je pensais plutôt à un joueur de bridge. Je pense pas que ce soit un joueur d'échecs. D'abord, le joueur d'échecs se fait à deux et en deux dimensions, pas Colombo. Colombo, il est à plusieurs. Il y a plein de joueurs dont il se sert. Ou alors, c'est des échecs à trois ou à trois dimensions. Vous savez, ces espèces de trucs très compliqués. Et puis, Colombo, il a compris deux choses. C'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe le jeu. Et il peut jouer selon ses règles et sur son jeu. Il n'est pas obligé de jouer selon les règles et le jeu de l'adversaire. Il ne s'adapte pas à l'adversaire. Et donc, il est beaucoup plus flexible et beaucoup plus subtil que ça. Moi, je crois plus que c'est un joueur de bridge qui utilise d'ailleurs le mort, les adversaires, qui sait se servir des cartes de l'autre. Non, je ne l'ai jamais imaginé en joueur d'échecs. Salut, lieutenant. Alors, quoi de neuf, Bert? Toujours la routine. Vous savez quel est le problème? C'est que vous manquez d'imagination. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Bert? Vous regardez toujours le menu et vous commandez toujours du chili. Bon sang, c'est pourtant vrai. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi un chili, merci. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que je suis sûr de jamais être déçu. Ah, je voyais pas ça comme ça. Venez, un bol de chili. Et force sur la dose, c'est pour le lieutenant. Colombo, et je m'intéresse beaucoup aux séries télévisées, je pense que c'est la seule série, l'une des rares séries, qui s'est arrêtée, donc en 1978, non pas faute de téléspectateurs, un audimat qui se serait effondré, mais faute d'argent. Je vois pas qu'on me donne un autre exemple. Ah, oui, bien sûr. Oui, c'est juste que je m'attendais pas à vous voir ici. Essayez le chili, vous serez pas déçu. Ce qui a conduit à l'arrêt de la première formule, hein, celle qui s'est terminée vers 78, c'est que ça coûtait de plus en plus cher parce que les épisodes étaient longs. ils sont quasiment sur un format de long métrage. Hein. Ils durent de 1h10 à 1h30. Donc on a quasiment un budget de cinéma. Que Peter Falk avait aussi des exigences financières. Il avait bien compris qu'il était la clé de voûte de tout le dispositif. Également que Peter Falk était extrêmement exigeant. Donc les temps de préparation de tournage étaient extrêmement longs. Donc voilà, il y a eu un problème de rentabilité qui est intervenu, qui a contribué à mettre un terme à la fin des années 70 à la série. Peter Falk aussi voulait se consacrer davantage au cinéma. Sans doute que le contexte s'était aussi épuisé. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure le contexte un peu contestataire des années 70, à la suite des années 60. Hein. La fin des années 70, on s'approche de l'ère Reagan. Hein, c'est quand même un retour de feu assez brutal dans la société américaine avec tout un tournant néoconservateur et la série, avec cette ironie, cette impertinence à l'égard des élites, n'est plus dans l'air du temps. Ouais, c'est une explication plausible. Il y avait sans doute un épuisement, c'est-à-dire que cette formule... Voilà, sans doute ils se sont dit on en a peut-être fait le tour, en tout cas pour un temps, et on va passer à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que les studios ont essayé de contourner de surmonter la disparition du lieutenant Colombo en mettant en scène sa femme, c'est-à-dire celle qu'on ne voyait jamais à l'écran. Donc ils ont essayé de lancer une série qui s'appelait Madame Colombo, soi-disant l'épouse du lieutenant. Et qui était pas très bonne et qui a été un bide, hein, il n'y a eu qu'une seule saison. Ce qui était intéressant, c'est que c'était la femme au foyer et qui est mise en scène dans son foyer domestique. Alors que le lieutenant, on le voit jamais chez lui, on le voit jamais dans son bureau non plus, presque, mais encore moins dans son domicile privé. Mais là, c'était la femme au foyer. Et je veux dire, c'est aussi pas anodin. En regard des valeurs néoconservatrices qui étaient incarnées par Reagan, par exemple, hein, que ça soit une femme qui ne travaille pas et qui s'occupe de la maison, qui mène des enquêtes dans le voisinage. Bon, mais ça me paraît très significatif de ce retournement de l'ère du temps. Ah, Madame Colombo. Salut, Monsieur Gérard. Ah non, il faut prononcer. Oh, bonjour, Monsieur Gérard. Très bien, entrez, voulez-vous. Oui. Comment ça va? Eh ben, ça boum pour l'instant. Ah, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Asseyez-vous sur ce siège. Alors, tout dépend du point de savoir ce qu'on entend par héritier. Quand même, l'une des marques essentielles de Colombo, c'est l'énigme inversée. Alors, je n'en vois pas. Alors, peut-être qu'il y en a. Hein. Je regarde finalement peu de séries policières. Mais non, et ça, rien que pour ça, je pense que non, il n'y a pas d'héritier. Cependant, sur les aspects de personnalité, donc quelqu'un d'atypique, qui soit pas entre guillemets beau gosse, performant, cravaté, rapide, technologique, effectivement, pas mal de gens parlent de Monk, qui est une série qui est pas récente quand même, mais qui a 10 ou 15 ans. Ce personnage très mal dans sa peau, avec des tocs, et dont on peut penser, vu de l'extérieur, que vraiment, on l'a autorisé à sortir de son asile pour une demi-journée, qu'il va y retourner. Oui, voilà, peut-être qu'il y a un petit quelque chose là-dedans. Alors moi, qui ai regardé tout Mentalist, qui est une série grand public, que beaucoup de gens connaissent, je vois des liens entre ces deux séries. Alors, il n'y a pas d'énigme inversée, mais il y a des liens, même si parfois il y a des oppositions absolues. Il y a des liens évidents. Alors, il y a un clin d'œil, je crois, qui vient de la production de la série de Mentalist, c'est de lui donner une voiture française. Bon, très bien. Simon Baker and Jolie DS, merci. Ensuite, Colombo, il cherche les aveux et il cherche à déstabiliser les suspects. Mais il met du temps. Il a quand même, il fait pas partie de cette époque des flics à papa, mais un petit peu quand même une forme de routine qui fait que ça va prendre du temps, mais il va amener les suspects à se trahir et finalement à avouer. Et Simon Baker, qui est pas du tout un policier et qui est effectivement quelqu'un qui sait décrypter les gestes, les réactions, les yeux qui roulent, etc. Lui, il va chercher la même chose. Il va chercher Lui, il va pas trop un peu s'intéresser aux détails, effectivement, mais ce qui l'intéresse le plus, parce que c'est sa vie de communicant, c'est de provoquer une réaction chez l'autre. Et alors que Columbo prend du temps, il enrobe, il est obséquieux, il est très très poli, jusqu'à l'excès, Sandman Baker lui provoque, il dit atrocité. Il dit, ah, mais alors c'est vous qui avez tué, pour voir la réaction. Donc, en faisant des choses opposées, souvent on se ressemble. Donc moi, je vois des liens. Je vois des liens entre ces deux séries qui sont, mais pourtant, complètement différentes. Monsieur Jane, j'ai une question à propos de votre carrière précédente. Ouvrez le feu. Quand vous rencontriez d'autres médiums, des vrais médiums, ils le voyaient, vous faisiez semblant. Il n'existe pas de vrais médiums. Objection, votre honneur. Ma cousine Yolanda est médium. Votre cousine est soit illuminée, soit malhonnête, soit les deux. Hé, hey, attention à ce que tu dis. Non, ça va. Il a le droit d'avoir une opinion, bien qu'il ait tort. T'es tellement sûr d'avoir raison. Votre père est entraîneur de football, hein? Comment vous savez ça? C'est écrit dans votre manière d'être. Papa ne disait-il pas toujours que la vie, c'est comme le football? Au coup de sifflet final, le match est terminé. Fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'au-delà. Terminé. Des homards, du pain au noir, un décor nautique kitsch et pchut, le néant. Ah. Ah, celle-là, monsieur, je vais en prendre note. Oui. Columbo, c'est un personnage, alors si on se situe au niveau uniquement du personnage, qui suscite beaucoup d'imaginaire et beaucoup d'associations d'idées, et donc beaucoup d'identification. Et ça, c'est vraiment très fort, parce que effectivement, quand on en parle comme ça, bâton rompu, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à en dire et qui s'identifient ou qui retournent dans leurs souvenirs, par exemple, d'avoir vu des épisodes. Dire bah je regardais cette émission, cette série, pour moi ça a été une des premières séries que j'ai regardées. Enfin, ça suscite quelque chose de très affectif et de très lié effectivement aux souvenirs et à la trace. C'est là où c'est très fort aussi. Eh ben si ça ne vous fait rien, je vais prendre ça pour un compliment. Et aussi cet aspect mythique de la série et ce personnage mythique aussi. Il a quelque chose de mythique. À la fois, c'est vraiment très philosophique, hein, et très, oui, très mythique. Bonjour, chérie. Mademoiselle Babcock. Oh, ne soyez pas si cérémonieux et appelez-moi Eve. Ne soyez pas timide. J'attendais votre visite. Vous m'attendez, moi? Bien sûr. Notre ami commun m'a prévenu. Il m'a dit qui vous étiez. Qui j'étais? Mm-hmm. Mais oui. Eve Babcock. Columbo, c'est devenu vraiment une icône. On a eu, il y a Sherlock Holmes, il y a les Maigret, il y avait Agatha Christie, tout ça. Mais après, vous avez Peter Falk et Columbo qui ont réussi. C'est le personnage, je dirais, des 40, 50 dernières années, puisque ça démarre, je crois, en 70, 68. Voilà. Donc, c'est les 50 dernières années, c'est le personnage des 50 dernières années. Parfois imité, jamais égalé. Je suis certain que la plupart des gens souhaitent connaître leur véritable personnalité, surtout quand elle leur est dévoilée par un expert. Et je suis comme les autres. Tenez, je pourrais rester des heures à vous entendre parler de mon subconscient. Faut que je vous laisse. Columbo, les 50 ans d'un anti-héros de génie. Avec Alain Bauer, professeur de criminologie, Stéphane Escaffre, secrétaire général de la Fédération française des échecs, Bachar Kouatli, président de la Fédération française des échecs, Joël Mignot, psychologue, Pierre Bagnier, écrivain, Lilian Mathieu, sociologue, et Aurore Piana, commissaire de police. Coordination Christine Bernard. Collaboration Lily Cornaer, un documentaire de Sacha Corso, réalisé par Laurent Polleret pour Une histoire particulière. Une histoire particulière, c'est fini. Toute l'équipe d'Une histoire particulière vous souhaite une belle fin d'année. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour une célèbre partie d'échecs, mais c'est une autre histoire.